juste les versets plus bas dans Matthieu, il va dire « Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous êtes méchant, vous donnez des bonnes choses à vos enfants, d'autant plus votre Père qui est dans le ciel peut faire de quoi. Vous êtes méchant, vous autres. Et puis, vous, tout de même, vous faites des bonnes choses pour vos enfants. Là. Mais il dit, le Père céleste, lui, vient vers vous, sachant que vous êtes méchant. Puis, il veut vous donner ce qui est bon pour vous. Okay? Donc, c'est dans ce sens-là. Bon, Genèse, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est juste faire un petit résumé de la Genèse et de pouvoir voir la transition. J'aimerais vous faire comprendre la transition que le... Moi, je voudrais dire ça, que le déluge va faire. Quand on arrive au déluge, il y a une fin, puis il y a quelque chose qui commence de nouveau. OK? Donc, on va commencer par prier. Notre bon Père du ciel, on te remercie que dans ta grâce, tu nous as laissé ta parole. Tu nous as montré comment tu me percevais, comme on vient de parler ensemble. Tu regardes le cœur humain, tu le vois comme insensé, comme noir, qui ne discerne plus qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui a de la valeur. C'est un cœur qui a vraiment besoin de toi. C'est un cœur qui a besoin d'être transformé par ta parole. C'est un cœur qui a besoin d'être de voir les choses comme tu les vois, parce que nos yeux, nous autres, sont... Ta parole nous dit qu'on est aveugle, sourd et muet, donc c'est une belle façon de dire qu'on est incapable de comprendre sans que tu viennes nous dire, toi, la vérité. Donc, on te remercie que tu as bien voulu, dans ta grâce, te révéler à la race humaine, afin qu'on puisse te voir et te servir. Amen. Amen. Cette semaine, j'ai regardé des vieux films que j'avais regardé quand j'avais à peu près 15 ans d'années de vie chrétienne, des films sur Hudson Taylor, George Mueller, Spurgeon, C.S. Lewis. Tinsdale. Tinsdale, c'est lui qui est mort au bûcher parce qu'il avait traduit la Bible en anglais. Donc, c'est tous des hommes qui ont marqué ma vie quand j'étais jeune chrétien. C'est des films d'eux autres comme des documentaires? C'est des films qui ont été faits. Des biographies. Des biographies qui viennent des livres qui ont été écrits sur Hudson Taylor, des livres qui ont été écrits sur Tyndale, sur Spurgeon. Et je les ai regardés avec l'intention de voir comment je les voyais maintenant. Je les ai écoutés quand j'avais 15 ans de vie chrétienne. Ils m'ont beaucoup marqué, ils m'ont beaucoup impressionné, ces hommes de foi-là, ces géants de la foi qu'on appelait dans notre temps. Je les ai réécoutés un autre 30 ans plus tard, là, ça fait 45 ans maintenant, que ce homme m'a trouvé. Et je dis, ouais, OK, on a eu du cheminement de fait. Ils m'ont paru moins grands tout d'un coup. Et j'ai pu réévaluer avec les Écritures ce qu'ils disaient. Dans le temps, je trouvais ça exceptionnel, mais je me dis, c'est comme tu deviens adulte, puis tu peux regarder ce que ton père te dit quand tu avais 15 ans, tu dis, ouais, papa, il s'était trompé. Peut-être une bonne intention, mais il s'était trompé. Tu peux évaluer un peu plus loin. Donc, ça m'a permis de voir que, je comprends-tu différemment que là 25 ans, ou là 30 ans, ou là 40 ans, ou si je vois encore juste la même chose. C'est comme si quelqu'un qui écoute de la musique, puis ça va faire un doctorat en musique, puis il va écouter la même musique qu'il écoutait quand il était jeune. Ça aurait pu être mieux. Il va voir des choses qu'il n'aurait pas pu voir quand il n'avait pas la connaissance de le faire. Et je me suis dit à moi-même, les croyants, on avance. On avance dans la foi. Et tout ça, quand on réétudie un livre comme la Genèse ou qu'on va faire avec Thessaloniciens, qu'on a déjà étudié en arrière, on regarde, est-ce que je suis allé plus loin? Est-ce que je comprends mieux? Est-ce que je vois les choses différemment maintenant? Donc, ça nous permet de voir qu'on avance tranquillement dans notre compréhension des choses de Dieu, des choses, des Écritures, notre perception des Écritures. Et pour moi, la Genèse, cette fois ici que je l'étudie avec vous autres, et les autres que je le fais, ça m'a permis de voir Dieu d'une façon plus claire, plus immuable, plus proche de nous qu'on peut s'imaginer. Des fois, on le voit loin. On a l'impression qu'il y a un loin, que Dieu est lointain. Mais il n'est pas si loin que ça, là. Et donc, c'est de voir ça, je trouve ça comme encourageant de continuer à scruter les Écritures. Je disais à quelqu'un cette semaine, il y a 45 ans, par la parole, il m'a donné la vie. Mais par la même parole, il continue à me garder en vie. Il m'a donné la vie il y a 45 ans par la parole de Dieu. Mais cette même parole de Dieu-là, maintenant, me maintient en vie. C'est la nourriture du croyant. Ça, j'avais souhaité ça à la personne, parce que je tentais de souhaiter bonne année. Puis j'ai dit que cette parole-là qui t'a donné la vie te maintienne dans la vie maintenant. Et c'est dans ce sens-là. Donc, Dieu se révèle. Il se révèle avec seulement une intention dans la création. Il crée, il se révèle en créant. Hein? Il crée l'univers, il se révèle. Mais il se révèle avec une intention unique. Il y a juste un être dans toute la création qui va voir la révélation. Les cochons ne voient pas la gloire de Dieu. Puis les arbres non plus, puis les chiens non plus, puis les vaches non plus, puis en tout cas, tous les animaux. Et les autres, ils ne voient rien de ça. Là. Donc, il a tout créé parce qu'il y avait un être qui pouvait voir la gloire de Dieu. C'était l'être humain. J'ai tout créé ça, là, je me suis manifesté, je me suis montré pour que toi, là, l'être humain, que toi, tu puisses me voir. Et je veux que tu me vois avec une intention bien précise. C'est que tu rentres en relation avec moi. Donc, tu vas rentrer en relation avec moi de la façon que je me suis manifesté, que je me suis montré. Viens, approche-moi pas avec quelque chose que je ne me suis pas révélé. Je me suis montré à toi avec d'une telle manière, mais approche-moi pas avec une autre affaire, ça ne marchera pas, là, parce que moi, je t'ai montré qui j'étais, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime pas, ma sainteté, ma grandeur, ma puissance. Approche-moi pas en faisant de la folie, là. Donc, c'est la folie, quand je vous dis de la folie, c'est contraire à ce que moi, je t'ai dit. Approche-moi pas comme un Dieu qui n'est pas tout-puissant. Parle-moi pas comme quelqu'un qui peut pas tout faire. Je peux tout faire. Parle-moi pas comme quelqu'un qui ne sait pas. Avant, tu ouvres la bouche, je sais déjà ce que tu vas me dire. Donc, arrête de me parler comme si je ne savais pas les choses. Je les sais, les choses. Donc, c'est approche-moi de la façon que je me suis révélé. Donc, ça, c'est le but de la création. Dieu crée un univers. Puis, quand des fois, j'écoute des émissions qui parlent de l'univers, je me dis, mon ami, tu as mis le paquet pour que je te vois, pour que je comprenne. Tu as mis le paquet pour que je puisse, quand je vais m'adresser à toi, que je sois comme, tu sais, que je sois comme, oh, oh. Le gars que je m'approche, c'est quelqu'un de craint, puissant, fort. Ils vont mettre la même chose aussi, la même grandeur, amour, pardon, ils vont mettre la même dimension, là. Parce que la puissance n'est pas plus grande que l'amour, puis l'amour n'est pas plus petite que la sainteté. Ils sont tous la même, ils sont tous infinis, ces attributs-là. Donc, et c'était ce but-là qu'il voulait. Je veux être en relation avec toi, mais d'une façon très particulière, c'est la façon que je me suis révélé à toi. Je t'ai montré qui j'étais, je t'ai dit qui j'étais, je t'ai manifesté mes choses. Je veux que tu rentres en relation avec moi comme ça. Mais on n'a pas voulu. On a fait la gaffe en tant qu'être humain de vouloir l'approcher avec nos propres termes. On a voulu l'approcher avec notre façon à nous. Et on n'a pas voulu garder notre position de créature. Et on a voulu aller dans une autre direction. Parce que dans toutes les religions du monde, ils se donnent des manières de s'approcher de Dieu. Ou de leur Dieu, peu importe c'est quoi. Ils s'inventent des manières de s'approcher de Dieu, ou de leur Dieu. Et même la religion catholique qui dit avoir le même Dieu que nous, Dieu trinitaire qui a créé le monde comme nous, mais les autres, ils approchent avec un autre chemin, une autre façon. Et même avec toute la bonne intention, ils mettent la main sur l'arche, ils tombent morts. Même avec toute leur bonne intention de s'approcher de Dieu, ils ne le font pas comme Dieu l'a demandé, et en touchant l'arche, ils tombent morts. Ceci, là, je fais ce que tu as dit tout à l'heure. J'utilise une image de l'Ancien Testament qui n'a pas été donnée pour ça. Mais je dis, les catholiques, avec les bonnes intentions de vouloir s'approcher de Dieu, ils vont être tués par Dieu pareil, parce que tu ne m'approches pas comme je le veux. C'est ça. Moi, je t'ai donné des règles pour m'approcher. Et je t'avais dit, mets pas l'arche sur un chariot. Mets l'arche sur des poteaux, puis porte-la sur ton épaule. Puis tu ne l'as pas fait. Donc, elle est venue pour tomber. Elle est allée avec une bonne intention, mais il est tombé mort. Il y a plein de monde qui vont se ramasser en enfer. Comme Jésus a dit dans Matthieu, il dit, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas? Je dis, je ne vous connais pas. Vous m'approchez d'une façon que j'ai dit de ne pas faire. Et quand on voit la Genèse, qu'après le péché, Adam et Ève ont voulu s'approcher de Dieu d'une autre façon, séduits par le diable, ils sont spirituellement morts, ils sont sortis de là, Dieu les a chassés, Dieu dit, vous ne pouvez plus sortir du paradis, maintenant, on va s'y prendre autrement. Maintenant, vous êtes devenus pécheurs, vous ne pouvez plus m'approcher comme avant. Avant, vous n'étiez pas pécheurs. Vous pouvez m'approcher. Mais là, vous ne pouvez plus. Maintenant, vous êtes devenus des pécheurs. Je vais vous donner une autre méthode de m'approcher. Donc, une autre manière de m'approcher. Si vous suivez cette autre méthode-là, on va être correct. On va être capable de faire de quoi ensemble, encore une fois. Mais avec une autre approche. Une approche d'un pécheur envers un Dieu. Pas un être parfait comme Adam et Ève étaient avant, mais un être pécheur. Et c'est ce qu'on voit à partir du chapitre 4. 4 et 5 nous amènent des hommes et des femmes qui vont s'approcher de Dieu, et certains vont s'approcher mal de Dieu, certains vont s'approcher bien de Dieu. Donc, on a un Abel qui s'approche de Dieu, et Dieu le regarde avec un regard favorable. Donc, il y en a un qui m'approche de la bonne façon. Caïn, tu ne m'approches pas de la bonne façon, et je ne te jette pas un regard favorable. On a un peu plus loin un Enoch, qui semble approcher Dieu de façon correcte, parce que Dieu dit, t'es correct, tu marches avec moi, je te prends et je t'amène avec moi. Donc Dieu dit, si tu m'approches de la façon que je te dis, ça va être correct. Mais si tu ne m'approches pas de la façon que je te dis, c'est la mort. C'est la mort pour toi. C'est fini. Tu ne peux pas être avec moi. Et on a vu, là on arrive à Noé, vous me voyez arriver à Noé, on arrive à Noé, qui lui aussi, c'est un homme qui marche selon Dieu. Donc, ce n'est pas que c'est un homme qui est parfait, mais il respecte la façon que Dieu a dit d'approcher à cette époque-là. Il marche avec Dieu. Et on a vu ensemble, à cause qu'il marchait avec Dieu, qui était juste, intègre, et qu'il marchait avec Dieu, Dieu lui fait grâce. Dieu lui fait grâce. Il lui fait grâce parce que il est juste, intègre, et il marche avec Dieu. Donc, la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas, qu'on dit, mais pourtant, on l'a. Pourtant, Abel l'a reçu. L'a reçu en faisant de quoi? Mm-hmm. Puis, là, je vous ai dit, la grâce, mais c'est un terme qu'on devrait faire attention à comment on l'utilise. La grâce, c'est pas une espèce de papier avec un étampe dessus du juge qui nous donne. C'est plutôt, on va voir la personne de Dieu. Dieu est la personne qui gracie, qui fait grâce. Dieu fait grâce à des gens, mais à des gens qui l'approchent de façon qu'ils le demandent. Il ne dit pas, approche-moi comme tu veux, ça n'a pas d'importance, je vais te faire grâce, je fais grâce à qui je veux. Fait que, tu peux m'approcher comme tu voudras, ça n'a pas d'importance, je vais te faire grâce si je le décide. Non, c'est pas ça qu'on voit dans les Écritures. Il fait grâce à des gens qui l'approchent comme il veut. Ça fait, c'est-tu encore une grâce? Ben oui, c'est encore une grâce. C'est encore une grâce. Tu m'approches comme un pécheur, comme un condamné, comme un perdu, comme un mort spirituel, mais tu m'approches comme je t'ai dit de le faire, en tant que mort spirituel, et je te fais grâce. Je te gracie. Donc la grâce est encore là, mais tu vas la recevoir seulement si je vais m'approcher de lui pour le recevoir comme il faut. Donc, Noé a été gracié parce qu'il marchait avec Dieu. C'est pas qu'il a été gracié puis il s'est mis à marcher avec Dieu. Nous autres, c'est ça qu'on va dire. Dieu m'a fait grâce puis j'ai commencé à vivre ma vie chrétienne. On dit ça comme ça des fois. Mais c'est pas tout à fait de même que la Bible en parle non plus. C'est nous autres, on a parlé comme ça. Parce qu'on a entendu un évangile un peu... tordu. En tout cas, incomplet. Et on Jésus dit... Mais Noé a trouvé grâce, et ça vient tout au long de la Bible. Le même principe reste vrai. Ceux qui vont, à qui Dieu va faire grâce, c'est des gens qui ont approché Dieu de la façon qu'ils voulaient. C'est pas, des fois, on pense que la grâce, c'est comme, il y a un sac là, avec la race humaine dedans, puis Dieu... Ah, je vais faire grâce à Noé. Une chance, il était juste intègre. Ça donne bien. Il était juste et intègre, il marchait avec moi, celui-là. Oh, j'ai tombé sur le bon, par hasard. Ben non, c'est pas bien, ça marche. Parce qu'il a fait aller sa main droite. Dans le fond, Noé, il faisait aller sa main droite. Gauche. Noé, c'est la main gauche. C'est ça, Noé, il faisait aller sa main gauche, puis il y avait un cœur, selon comme on dit, il marchait. Et Dieu, avec la main droite, les deux se rejoignent. Mais c'est spécial quand même, là. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous, là. C'est tous ces gens-là, là, c'est des gens morts spirituellement. Oui. Abel était mort spirituellement, okay. Enoch était mort spirituellement, pécheur, comme nous autres, et Noé aussi. Là. Donc, il y a des pécheurs, des morts spirituellement, qui vont s'approcher de Dieu de la bonne façon. Mais comment vont-ils s'approcher de Dieu de la bonne façon s'ils ne l'ont pas entendu? Il faut que Dieu leur ait dit d'une façon quelconque comment l'approcher. Et c'est ce qu'il fait, lui, envers des gens perdus. Il annonce aux gens perdus comment les l'approcher, lui, en tant que gens perdus, pas avec des gens qui se pètent les bretelles, qui vont l'approcher comme ils ne sont pas perdus. Non, non, tu vas m'approcher comme je te déclare, perdu, coupable, mort spirituellement, puis je vais te donner la... Comment tu dois m'approcher en tant que mort spirituellement? Si tu fais ça, je te fais grâce. On l'a fait dans le Nouveau Testament, nous aussi. C'est la même vérité qu'il va jusqu'à aujourd'hui. Il fait grâce seulement à certaines sortes de personnes. Juste une certaine sorte de personne à qui il fait grâce. Mais dans le fond, nous autres, notre job, là, c'est juste de dire aux inconvertis comment approcher Dieu. Mais si on va leur dire à la façon qu'on le comprend, nous. Il faudrait qu'on comprenne, nous, comment le faire. Si on n'a pas fait de la bonne façon, on va répéter une mauvaise façon à d'autres personnes. Mais la bonne façon... Dieu fait grâce à qui, dans la Nouvelle Alliance, il fait grâce à ceux qui se repentent et qui croient. Repends-toi et crois, et je vais te faire grâce. C'est ça qu'il dit. La même chose avec Noé ici. Noé a accepté qu'il était un perdu pécheur, puis il marchait avec Dieu parce que Dieu lui avait dit. Puis quand on va le voir, Dieu dit, maintenant, là, je vais t'offrir quelque chose, mon Noé, là, une planche de salut. Oui, Seigneur, c'est ça que tu veux. Je vais te dire comment le faire, ça, cette arche-là. Là. Je vais te dire comment le faire, tout ça. Là. Oui, Seigneur. Puis quand il va avoir fini de dire tout comment faire, il dit, et Noé fit tout ce que Dieu avait dit. C'est tout. Pourquoi? Parce que c'est un gars qui croyait, s'est repenti, puis il croyait en Dieu. Dieu dit, t'es perdu, je vais détruire le monde. Puis je t'aurais détruit avec Noé, tu sais, là. Mais tu marches avec moi. Je vais te donner un moyen d'être sauvé de mon jugement que je vais emmener sur la race humaine. Tu vas-tu le croire? Tu vas-tu le croire? L'arche va sauver, va te sauver, toi et ta famille. Vas-tu le croire? Et Noé se vire de bord et commence à passer le bateau. Pas d'eau, pas de déluge, pas encore. Ça va y prendre. Il y en a qui disent 40 ans, d'autres disent 100 ans. Il va travailler longtemps pour se faire un bateau parce qu'il a cru que Dieu disait vrai. Donc, la grâce, Dieu gracie quelqu'un qui s'est repenti et qui a cru. Quand on a vu, là, je ne vais pas trop dévier, mais quand on a vu de la repentance, tu avais comme la repentance des péchés, puis la repentance face à Dieu. Puis c'était pas la même chose. Nous, de nos jours, c'est tout le temps par rapport à nos péchés qu'on a entendu. Ça veut dire que cette repentance-là qu'on croyait avoir fait, c'était pas la bonne. Ouais. Dieu, lui, là, du haut du ciel, comment qu'il voit ça? Il se dit-tu, c'est pas tout à fait la bonne repentance, là, mais que là, le repenti selon les péchés, en avançant dans la connaissance, il comprend que c'est face à Dieu, puis il continue. C'est ouais. un peu ça, ou bien il repart ouais. à zéro. Si tu t'as fait une. Si tu as entendu une fausse repentance et que tu t'es repenti avec la fausse repentance. Genre, tu prenais de la drogue, tu courais les hommes, et tout ça, tout le péché grave. J'appelle ça une repentance humaine. Là. Oui. C'est une repentance que... Ma mère avait cette forme de repentance-là. Ma mère était une religieuse, très catholique. Et elle, quand elle faisait des péchés, elle avait un sentiment de culpabilité, elle avait un sentiment pas correct. Ce qu'elle a à confesse. Donc elle avait ce sentiment-là de pas... c'était pas correct ce qu'elle faisait. Puis elle regrettait ce qu'elle avait fait. Mais c'est pas ce genre de repentance-là que la Bible nous parle. Non, parce que c'est par rapport à Dieu toujours. Là. Donc c'est... Si j'ai une repentance qui m'est annoncée, « Repens-toi », envers Dieu, repens-toi, et ben ça, si je le fais, ça, on va le voir quand on va faire Thessaloniciens, vous êtes convertis à Dieu. La Bible a dit tout le temps, convertissez-vous à Dieu et croyez en Jésus. On ne se repent pas envers Jésus, on se repent envers Dieu et on croit en Jésus. La repentance est envers Dieu. Oui, ah ouais, Dieu est trinitaire, on le sait ça, mais c'est envers Dieu. Et la foi est envers Jésus-Christ, le salut qui est offert en Jésus-Christ. Donc, c'est la même chose. Donc, Dieu fait toujours grâce à des gens qui l'approchent de la façon que lui a demandé. Mais je ne te ferai pas grâce si tu ne m'approches pas de la bonne façon. Donc, lui, c'est celui qui fait grâce. Ce n'est pas la grâce. La grâce, c'est une personne, c'est Dieu. C'est Dieu qui est. Dieu est la grâce. Donc, c'est lui qui fait grâce à des gens qui l'approchent. Donc, quand Jésus vient dans ce monde, il va annoncer, lui, une nouvelle façon de l'approcher. La loi, c'est fini. Vous n'utiliserez plus ça, là, avec des brebis, puis un prêtre, puis le sang, puis le lieu saint. Vous avez une nouvelle façon de l'approcher maintenant. Si vous voulez, il y a juste un chemin maintenant, et le chemin, c'est moi. Donc, je vais vous dire comment faire pour approcher Dieu. Si vous le faites, ce chemin-là, ben, je vais vous gracier. Pas compliqué, hein? Mais ça ne s'arrête pas là. Là, après ça, la nouvelle vie va commencer, le Saint-Esprit va venir. Il y a une continuité. Il fait grâce, ensuite, il fait d'autres étapes dans le salut. Mais c'est que nous autres, on a vu la grâce comme quelque chose au lieu de quelqu'un. J'ai déjà dit, peut-être que vous avez déjà dit, j'ai un billet dans le... Moi, je rentre au ciel, j'ai mon billet. Mon billet, c'est mon billet. C'est comme si la grâce, c'était quelque chose, un bout de papier qu'on avait reçu. Non, la grâce, c'est quelqu'un qui te déclare coupable. Et si tu acceptes que tu es coupable. Parce que Noé, là, qui se fait dire par Dieu, là. Noé, là, tu sais, tous les gens de ta rue, là, ils vont mourir, là. Je vais les tuer, là. Tous les gens de ta famille, tes parents, tes amis, tes arrières, tes mononcles, je vais tous les tuer, là. Finalement, je vais tuer tout le monde. Comment tu vois ça dans ta tête? Là? Comment tu réagirais, là? Tes enfants, tes petits-enfants, tes grands, tes arrières-petits-enfants, je vais tous les tuer, là, François. T'as envie de répondre, t'as envie de réagir, hein? Tu vois pas... Mais est-ce qu'on va dire, Seigneur, si toi tu crois qu'il mérite la mort, ben il mérite la mort. Je vais-tu accepter la déclaration que Dieu fait d'eux autres? Puis Noé dit, ben moi, pourquoi tu me sauves? Pourquoi moi tu me sauves? On s'est déjà posé la question. On s'est déjà posé la question, pourquoi moi, pourquoi pas les autres? Ben pourquoi toi? Ben c'est parce que tu marches avec moi. Mais c'est vrai que Noé, il y avait des parents, lui. J'ai toujours pensé qu'il l'avait échappé belle, mais en même temps, il a perdu des proches. Là, Des cousins, des cousines. Oui. Des connaissances. Ses parents, là, tu sais, là. Mm-hmm. Oui. Il n'était pas né d'une vierge. Il avait des parents. OK. Donc, là, quand on arrive au chapitre 7, on a ce qu'on appelle le déluge qui est décrit là. Et j'aimerais on va juste faire un survol de 7 et 9. On ne fait pas tout ça, on n'a pas le temps. Mais juste quelque chose que je veux vous donner des petits détails pour que vous compreniez que les choses sont en train de changer. Là, à cette époque-là. Là. Chapitre 7, verset 1, jusqu'au verset 1 à 3. Qui veut lire ça? Gaëtan. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car j'ai vu que devant moi, tu es juste parmi tes contemporains. Prends auprès de toi 7 couples de toutes les bêtes pures, le mâle et sa femelle, un couple des bêtes qui ne sont pas pures, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de garder en vie leur descendance sur toute la surface de la terre. » C'est nouveau, ça, ici, là. Jusque-là, il n'y a pas d'animaux purs et impurs. Mais à partir du déluge, je vais avoir maintenant des animaux purs et impurs. Avant le déluge, tu pouvais tuer ce que tu voulais. Tu pouvais m'offrir des affaires comme tu voulais. J'acceptais ça. Mais maintenant, après le déluge, ça va changer, ça. La façon dont vous allez m'approcher, ça va changer. Je vais déclarer, moi, certaines choses qui vont être pures, certaines choses vont être impures. C'est moi qui décide lesquelles vont être pures. C'est moi qui décide quelles sortes qui vont être impures. C'est pas toi qui décides qu'est-ce que tu vas m'offrir et comment tu vas me l'offrir. Non, je veux pas ça. C'est moi. Et c'est ça que je trouve qui est intéressant, que j'ai remarqué plus cette fois-ci en étudiant la Genèse. C'est une des choses que j'ai remarqué. C'est que Dieu a une constance. C'est moi qui décide comment tu m'approches. C'est pas toi qui vas m'appeler papa quand tu veux, puis maman comme tu veux. Puis c'est pas toi qui vas décider qui je suis et comment tu vas m'approcher. Je décide qui je suis et je décide comment tu m'approches. Ouais. Et tu vas, pour le faire, je vais te dire les choses. Je vais t'en donner des choses. Il va falloir que tu les respectes. Entre guillemets, à la lettre. Mm-hmm. Ici, il va faire cela. Il va dire, à partir de maintenant, tu vas m'offrir seulement les animaux que je te dis. Pas d'autres. C'est intéressant, hein? Puis avant, on... Pourquoi Abel a offert un mouton, on n'a aucune idée. On ne sait pas. Mais là, ici, est-ce qu'on sait déjà lesquels sont... Noé, il sait. Noé, il sait. Il va les voir rentrer à coup de 7, là. Les autres vont rentrer par coup de 2. Oui. Ceux-là vont rentrer à coup de 7. 7 coupes. Il va dire, oh, c'est ceux-là, gars, ils sont 7 coupes. C'est ceux-là, les peurs. Mais il dit, prends 7 coupes. Oui, c'est Dieu qui va les emmener, là. C'est Dieu qui va faire comme Dieu le restant. Okay. Il n'a pas été à chercher pas plus les deux. Ils se sont envenus, puis ils ont embarqué dans l'arche. Dieu les a emmenés. C'est, il a pas... Adam n'a pas commencé à siffler, puis ils sont envenus. Parce que faut bien se mettre dans notre... Adam, Noé, je veux dire. Il faut bien se dire, là, ça fait une couple de milliers d'années, presque une couple de milliers d'années, là, qu'on est passé à Adam et Ève, quand le déluge arrive. Mm-hmm. Okay, donc, Dieu détermine ça. Là, j'aimerais qu'on tourne maintenant au chapitre 8. Dans le chapitre 8, j'aimerais qu'on descende au verset 20. 20. Céline, veux-tu lire ça? 20 jusqu'à 22, là. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Donc ici, on a Noé qui fait ce que Dieu a dit. Il y a juste... le déluge est terminé. Noé sort de l'arche et il prit de tous les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il les offrit en holocauste. C'est nouveau. On a commencé quelque chose de nouveau. On n'est pas encore à la loi. Quand la loi va venir par Moïse, il va y avoir toute une autre affaire là, qui va s'installer. Mais pour le moment ici, Noé fait ce que Dieu a dit. Main gauche. Main droite, Dieu décide que, verset 21, l'Éternel sentit une odeur agréable sur l'autel. Dieu réagit à ce que la main gauche vient de faire. Pourtant, c'est lui qui a déterminé quels animaux vont être. Mais il voit quelqu'un qui dit, je vais approcher Dieu de la façon qu'il me l'a dit. C'est tout ce qu'il dit, là. Il va juste prendre les mêmes animaux que Dieu a dit, il va se faire un autel, puis il va les sacrifier dessus. Puis Dieu dit, ah, ça sent bon! Ça sent bon! Et il dit, à cause de ça, à cause que ça sent bon, à cause de Noé, qui vient de faire un sacrifice, comme Dieu lui a demandé, je ne maudirai plus la terre. Dieu s'engage, il réagit à ce que Noé a fait. Dieu, il réagit à ce que les hommes font. Il n'est pas juste un bonhomme dans le ciel qui est indifférent à ce qu'on fait. Je suis souverain. Peu importe ce que vous faites, je m'en fous, je suis souverain, je fais ce que je veux. Oui, il est souverain. Mais il semble que ça s'emboîte à quelque part avec l'être humain, quelque part. C'est ça qu'on a de la misère à faire, nous, les emboîter l'un dans l'autre. Mais ici, on voit un homme qui, un simple homme comme vous et moi, là. Dieu lui dit, voici les bébites que tu vas tuer quand tu vas les tuer, c'est un sacrifice. Pas d'autre, juste ceux-là. Et Dieu, voyez-vous, c'est pas les animaux, parce que les animaux, là, on s'est posé la question par rapport à Abel et Caïn, là. C'est pas les animaux ici, parce que c'est lui-même qui a déterminé quel animal, là. Il ne va pas dire, ah, bon, une chance que chose est bonne. Non, il avait déjà dit c'était quoi les bonnes. Mais il voit un homme qui, pourquoi Noé l'a fait? Pourquoi Noé va-t-il faire des sacrifices après? Pourquoi, quand il sort, si vous étiez là, vous autres, là, toi, puis ta femme, puis ta famille, puis vous sortez de l'arche après un an, là, et là, vous décidez de dire, je vais offrir un sacrifice à Dieu. Pourquoi vous l'auriez fait, vous autres? Qu'est-ce que vous avez voulu de lui dire à Dieu? Ben, le remercier de nous avoir gardés, protégés, amenés là, fini le déluge. OK. C'est correct. Oui, mais ça, c'est bien, mais ça ramène un peu à nous. À toi. Oui, oui. Puis d'après moi, c'est plus une reconnaissance de la grandeur de ce que Dieu est capable de faire dans ça, là. Parce que. Je pense. Est-ce que tu faisais confiance à Dieu? Oui, probablement, vous êtes tout correct, là. Il y a toutes sortes de bonnes raisons d'offrir un sacrifice à Dieu. Puis, il y a le mot holocauste. Le mot holocauste, c'est que probablement fait brûler tout l'animal au complet. Donc, on n'est pas sous la loi de Moïse encore, mais il utilise le mot holocauste. Donc, il veut tenter de nous dire, les Juifs vont comprendre qu'il a fait un autel, il a fait un feu, puis il a fait brûler les animaux. Mais c'est quand même gros, tu sais, quand tu penses, là, t'es dans le bateau pendant un bout de temps, là, il n'y a plus personne quand tu sors de là, là parce que c'est tranquille, il n'y a plus de bruit, ben, là. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment une réaction d'un homme qui va... Comment je voudrais dire ça? Reconnaître sa grandeur? Oui, je crois qu'il va être... soit en adoration, soit en louange, soit en action de grâce, peu importe, si on les met tout ensemble. Il est devant un Dieu qu'il... Parce que dans le fond, là, nous, on n'est pas capable de se voir à la place de Noé, vraiment. On a de la misère. Là, tout le monde est mort sur la planète. Tous les animaux sont morts sur la planète. C'est ceux qui ont quelque chose, là. Lui, il sort de là avec ses trois gars, les quatre femmes. Il sort de là et... Il voit la terre qui a recommencé à reproduire. Et il est en... Moi, je dirais, le mot holocauste me fait penser à l'adoration. Hein. Me fait penser à l'extase. L'extase, de façon positive, devant Dieu. Tu es grand, tu es parfait, c'était juste, c'était bien ce que tu as fait. C'était pas... Il ne va pas dire que Noé n'est plus un homme. Là. Il est un homme, il a toutes ses bébites dans son traîneau aussi, comme toutes nous autres. Là. Mais il sait reconnaître ce que Dieu a fait, était correct. Il était juste. Et c'est que des fois, en tant que chrétien, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, vous avez peut-être déjà fait ça, mais vous dites à Dieu, vous offrez à Dieu une action de grâce, finalement, pour vous rendre compte plus loin que ce n'était pas une action de grâce, là, c'était un péché que vous avez fait. Mais vous êtes en train de rendre grâce à Dieu pour quelque chose que vous avez fait qui n'était pas correct. Parce que votre connaissance était limitée. C'est comme un enfant qui vient t'offrir quelque chose, puis tu dis, tu regardes ce qu'il t'offre. Pas fort! Mais tu vas dire, t'es gentil, tu le ramasses. Mais dans le fond, tu as fait quelque chose que. Puis là, tu vas réaliser que, ouais, mon père, il était gentil. Mon image n'est pas parfaite. Mais je crois que. Ce que j'admire ici, c'est pas Noé autant que la réaction de Dieu. Si tu m'approches la façon que je te demande, ma grâce, ça va être illimitée. Mon amour va être illimité. Si tu m'approches comme je t'ai demandé, je vais bénir la race humaine maintenant pour toujours à cause de ce que tu viens de faire. Tu viens de faire des sacrifices qui sont agréables à mes yeux. Je vais bénir la race humaine maintenant pour toujours. Je ne vais plus jamais détruire la terre par le déluge. Ou la réaction de Dieu, là, c'est immense. C'est ça, ce qu'il fait, là, juste par rapport à l'action de quelqu'un en fait. Là. Puis il va faire la même chose avec Abraham un peu plus loin. Il dit à Abraham, parce que tu as cru, toutes les nations vont être bénies à cause de toi. Fait qu'à quel point c'est important pour lui. C'est l'important, c'est pas moi, c'est que je l'approche comme il m'a demandé. Oui. C'est important. Pour nous, on dit peut-être pas si tant grand-chose que ça, mais c'est ça qu'il veut. Oui. Pour lui, c'est ça qui est important. Oui. Et puis il n'y a pas d'autre. Ça a une infinie conséquence. Et puis la façon qu'il nous dit de l'approcher, il le dit parce que ça reflète qui il est. Si on ne l'approche pas selon ce qu'il est, on est détruit. On est détruit. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il le fait. Maintenant, je vais tourner au chapitre 9. Il y a un autre petit bout que je voudrais voir dans le chapitre 9. Le verset 1. Oui, on va lire à partir du verset 1. C'est Denise, veux-tu lire? On va lire jusqu'à 7. On va en lire deux chacun, si vous voulez. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. » Tout ce qui remue et vit vous servira de nourriture au même titre que les légumes et les plantes. Je vous donne tout cela. Toutefois, vous ne mangerez pas de viande contenant encore sa vie, c'est-à-dire son sang. Quant à votre sang, à vous, j'en demanderai compte pour votre vie. Quiconque le reprendra, que ce soit un animal ou un être humain, je lui en demanderai compte. Je demanderai compte à chaque homme de la vie de son semblable. Qui verse le sang d'un humain pour un humain aura son sang versé, car l'être humain a été fait en sorte d'être l'image de Dieu. Donc, Dieu est en train de rétablir encore quelque chose de nouveau qui commence. C'était pas le même avant. Non, maintenant, on est comme ça. Il dit, avant les déluges, les animaux, vous les aviez pas comme nourriture. Maintenant, après, vous allez les prendre comme nourriture. Les animaux vont avoir peur de vous. C'était ça aussi nouveau. Avant ça, ça semblait plus comme ça. Maintenant, il dit, vous avez le droit de manger de tous les animaux, mais je vais vous donner une autre petite règle. Vous allez vous souvenir de quelque chose. Vous ne mangerez pas avec son sang. On est bien avant la loi, ici. Là. Mais déjà là, quand l'homme a commencé à tuer les bêtes pour les manger, Dieu dit, je ne veux pas que tu manges avec son sang. Quand il rajoute, c'est encore sa vie, c'est-à-dire son sang, parce qu'il dit avec sa vie, là, dans le fond. Fait que tu ne manges pas vivant. Non, tu ne peux pas le manger vivant, certain. Là. Okay? Tu ne peux pas le manger vivant parce que pas un peu amusé à digérer un peu, mais... Non, mais on est larves, hein? Je pense aux larves, hein? Entre autres, il n'y a pas tant de... Je ne sais pas si c'est du sang. Dans quoi? Il n'y a pas de sang dans les larves, mais les larves sont vivantes, là. Oui, mais... Les Asiatiques, ils mangent certaines choses vivantes, là. Oui, là, on va rester avec les Hébreux, ici, là. Non, mais... Est-ce que c'est ça qu'on veut dire? Oui, c'est... Est-ce que Dieu va établir un principe que la vie, il appartient à lui? OK, donc... L'âme, le sang représente la vie, puis ça va devenir le symbole de Jésus-Christ alors que la vie. Ouais, on va prendre le repas du Seigneur, là. Ça va devenir ça. Donc, aussitôt que l'homme a commencé à manger des animaux, il dit, je veux pas que tu le manges avec son sang. Le sang, c'est la vie, ça m'appartient à moi. Bon, puis là, boudin, moi. Puis là, il dit, si quelqu'un, si un animal tue un être humain, tue l'animal tout de suite. Puis si un être humain tue un autre être humain, vous allez tuer l'être humain. La peine pénale va commencer là. Et Dieu dit, parce que j'ai créé l'homme à mon image. Et si tu t'attaques à l'homme, tu vas mourir l'homme, tu t'attaques à moi. Si tu t'attaques à celui qui est à mon image, tu t'attaques à moi aussi. Tu es en train de rejeter ce qui vient de moi. C'est plutôt qu'on va arriver tout à l'heure avec Jésus qui va dire, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Donc la vie m'appartient. La vie m'appartient. Et c'est dans Lévitique, plus loin, il va dire, quand vous allez tuer le sang, vous allez répandre à terre, parce que le sang, c'est la vie, ça m'appartient. Tu n'as pas le droit, toi, sur la vie. C'est moi qui dois sur la vie. Mais si quelqu'un enlève la vie à un être humain, tu lui enlèveras la vie. Et tu es en train de dire, là, tu as touché à l'éternel. Et moi, je te demande de rendre compte de ça. Okay? Ça serait-tu genre vrai encore aujourd'hui? Selon moi, oui. Je crois que la peine capitale devrait exister, selon moi. Mm-hmm. Mais je ne suis pas le premier ministre. Je ne suis pas là. Mais si on me demanderait mon idée, je dirais oui. Parce qu'on est en train de vouloir là, de montrer que l'être humain qui représente Dieu, je veux respecter ce que Dieu a fait de cette façon-là. OK? Donc... Voyez-vous, il y a une différence aussi ici entre la bête et l'être humain. Aujourd'hui, on va enlever cette différence-là entre la bête et l'être humain. Mmh. Jésus dit, si un être humain tue une bête, ben, tu ne tues pas l'être humain. Mais si une bête tue un être humain, vous tuez la bête. Ça démontre la place de l'être humain. La supériorité ouais. De l'homme sur la bête. Il domine sur le monde dans lequel il est. Donc, on est dominant. Et on est le représentant de Dieu. On est en relation avec Dieu. L'être humain, c'est pour ça qu'il nous a créés. Donc, ça, c'est nouveau. Et là, on va voir, on ne verra pas tout ce qui est nouveau, mais je veux juste vous compreniez, à chaque fois que quelque chose prend fin dans la Bible, il y a toujours quelque chose de nouveau qui commence. Et on ne doit pas traîner le vieux dans le nouveau, puis dans le nouveau dans le vieux. C'est ce que Jésus a voulu dire aux pharisiens, ne mettez pas du vin nouveau dans les vieilles outres. Il dit, le vin nouveau, ça va dans les outres neuves. Donc, ne mélangez pas. Quand vous êtes sorti d'Éden, c'était fini. Une période était terminée. Quand on arrive après Noé, une autre période est terminée. Quand on va arriver à Jésus-Christ, la loi va être terminée. On commence quelque chose de nouveau. On ne traîne pas la loi avec nous autres. C'est nouveau. C'est terminé, ça, la loi. On commence avec quelque chose de nouveau qui est Jésus-Christ à ce moment-là. On n'a plus besoin de la loi, nous, aujourd'hui. Il y a bien des chrétiens qui disent oui, mais moi, je vous dis non. On n'a plus besoin de la loi. La loi, c'est terminé. Jésus a commencé quelque chose de nouveau qu'on appelle la Nouvelle Alliance. Quelque chose de nouveau. Tout est nouveau dans la Nouvelle Alliance. Et quand on va arriver à la fin des temps et qu'on va être ressuscité et dans le nouveau ciel, nouvelle terre, ça va être quelque chose de nouveau qui va commencer. Encore une fois. Quelque chose de nouveau. Et à chaque fois, il y a des choses différentes. À chaque fois, on apprend à connaître Dieu différemment. À chaque fois, on apprend à voir Dieu plus clairement. Et à la fin, on va être devant lui, on va le voir face à face dans une motion nouvelle terre. Mais il y a une chose que j'aimerais vous faire remarquer à partir du verset 20. On va terminer avec ça. Là, ils sont sortis, ils ont fait ces holocaustes, et Dieu a dit, ça sent bon, je ne vais plus détruire la race humaine, ou les animaux, ou la terre. Je sais que l'être humain est mauvais, il va rester mauvais, mais je m'engage à ne plus détruire la terre à cause de Noé. Noé a fait quelque chose qui sent bon, je ne vais plus détruire la terre. Mais le verset 20 ici nous amène quelque chose qu'il faut saisir. Là. C'était à qui à lire? C'est à moi. Le verset 20? Oui. Noé se mit à cultiver le sol et planta une vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Donc, voici Noé qui prend une brosse en québécois. Il avait du vin nouveau. Puis, perd un peu le contrôle. Hein? Et il est au moins dans sa tente. OK? Mm-hmm. Il est découvert au milieu de sa tente. Au moins, il n'est pas sur sa place publique. Mais ils ne sont pas beaucoup, là. Ils ne sont pas beaucoup. Ils ont juste huit. Ils sont juste huit. C'est ça. Donc, le public est... Il n'y aura pas grand monde qui l'aurait vu faire. Et là, remarque bien ce qui arrive. Le verset 22. OK. Cham, le père de Canaan, vit la nudité de son père et il en informa ses deux frères au dehors. Sem et Japhet prirent le manteau de Noé qu'ils placèrent sur leurs épaules à tous deux et, marchant à reculons, ils couvrirent la nudité de leur père. Tournés de l'autre côté, ils ne virent pas la nudité de leur père. On continue. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit que lui avait ce qui lui avait fait son fils cadet. Et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leurs esclaves. Moi, c'est ici, on a seulement pourquoi est-ce que c'est que... C'est Dieu! C'est pourquoi est-ce que Dieu amène ça? Pourquoi est-ce que Moïse veut qu'on le sache, que le peuple d'Israël veut que ça... Bon, il y a eu une descendance. Là, on sait que le déluge a lieu, il reste 8 personnes. Il y a juste 8. Et parmi les 3 fils, ici, on a la bénédiction de 2 et la malédiction de 1. Et on va l'appeler Canaan. C'est le pays Canaan qui vont aller prendre possession avec, au temps de Moïse. Là. Donc, il va se passer des siècles. Un peu plus tard, va se réaliser que le Japhet et le Sem vont aller écraser Canaan. Ils vont détruire Canaan. Ils vont prendre possession du pays de Canaan. Donc, la malédiction va s'étendre jusque-là. Mais l'important ici que je veux que vous reteniez, c'est mon attitude envers le représentant de Dieu. Noé ici est le représentant de Dieu. Noé, c'est celui que Dieu a choisi. C'est à lui que Dieu a fait grâce. Ses enfants vont être sauvés du déluge pour une raison bien précise. C'est quoi la raison pourquoi ils ont été sauvés du déluge? C'est sa femme, les 4 femmes, les 3 gars. Pourquoi ils ont été sauvés, eux autres? Ils ont-ils trouvé grâce aux yeux de Dieu, comme Noé? Non, il y a juste Noé qui a trouvé grâce. Mais pourquoi les autres ont été sauvés? Par défaut? Faut se multiplier, ça va aller plus vite sur les 4 couples. Non, c'est pas ça la raison. Comment c'est qu'ils ont été sauvés, eux? Pour qu'ils puissent à leur tour parler aux autres. Non. Non, ça c'est le résultat, ça va être le résultat. La foi aussi, là. Oui, la foi dans quoi? Mais en Dieu. N'as-tu vu Dieu? En ce que leur père leur a dit. Voilà. Noé leur a dit qu'est-ce qui était pour arriver. Ouais, ouais. OK, Dieu il m'a dit qu'il va détruire le monde, là. Tout le monde va mourir. Puis qu'il va envoyer le déluge, puis que... Ça, c'est normal. Vous ne le direz pas à vos enfants. Ben oui, vous le direz à vos enfants. Oui, là, ce que tu apportes là, c'est pas dans le bout qu'on vient de lire. Non, ça, c'est dans le bout avant. OK, t'extrapoles. Ouais, non, je n'extrapole pas. C'est dans les textes avant, OK? Donc, je vois plus loin que le texte. Et ça va être la même chose qu'ils vont leur dire, puis ils vont le croire. Puis ils vont embarquer dans le bateau. Ce que je veux faire comprendre, c'est le texte ici. Ceux qui croient aux représentants sont bénis comme le représentant. Ceux qui rejettent le représentant sont maudits. Ici, Cham se moque du représentant de Dieu qui est à Noé. Dieu le prend pour lui-même. Il se moque juste parce qu'il est allé dire à ses frères qu'il l'avait vu nu. C'est ça. Bon, c'était pas bien vu. Mais c'était un sacrilège. Mais peu importe comment vous le voyez aujourd'hui, là. C'est pas ça qu'il le problème. C'est l'autre qui prend un coup, puis lui. Il a mal réagi envers le représentant de Dieu. C'est pas l'ivrogné. Dieu n'a pas voulu à Noé d'avoir fait du vin et d'avoir pris un coup. Là. Fait qu'il a un peu la chaîne de l'avoir. Et comment il l'a dit? Parce qu'il dit, après qu'il ait appris ce qu'il avait fait, là, il maudit. Donc, c'était pas positif. Mais le pire, c'est parce que c'est pas Cham qui maudit. Il maudit l'enfant de Cham. Il maudit parce que... Cham et toute sa descendance. Cham, le père de Canaan. Donc, Canaan, c'est le Canaan qui... C'est le fils, c'est le père de Canaan. Le Canaan qu'on connaît, la terre promise. C'est tous les descendants qui vont venir par après. Ça okay? Descend de Cham. Ouais. Okay, jusqu'à Canaan. Il y avait un fils qui s'appelait Canaan. Le père de ceux qui vont être comme lui, qui vont être les esclaves des deux autres. Okay, de Canaan. Parce que ça va être eux autres que Dieu va prendre, qui va chasser, qui va détruire. Mais ça aurait pu. Il aurait pu avoir un fils qui s'appelait Canaan, que maintenant on aurait donné. Il n'y a pas rien qui me dit, moi, là-dedans, là, qu'il a ri de son père parce qu'il l'avait vu. Là, non, mais c'est la réaction de son père. C'est la réaction de son père. OK? Son père, lui, il réagit. Juste parce qu'il est allé dire aux autres. La façon qu'il est allé le dire, par exemple. Il est sorti là, il a tout débouchonné. Allez, aussi. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Mon père, il est tout. Okay. Si ça serait comme ça. Okay. Si ça serait comme ça, c'est la question qu'on voit, c'est qu'on voit la réaction des deux autres. Les deux autres, ils prennent, ils entendent le fils. Là. Ils entendent l'autre, le petit frère. Puis ils disent oh. Ils prennent un manteau, puis ils reculent, puis ils vont mettre ça. Là. Il y a une forme de respect, là, d'honneur. Ce que lui aurait dû faire. Ce que lui aurait dû faire. Quand il a vu son père, lui, il aurait dû prendre le manteau, le mettre dessus, puis pas dire un mot. Parce que c'est un homme de Dieu. Mais on voit que. On voit à quel point. Moi, j'appelle ça. C'est ce que nous autres, on aurait vu comme une pacatille, devient extrême pour Dieu. Mais là, moi, je me dis pas fou qu'il l'a embarqué dans le bateau. Pourquoi qu'il a fait embarquer Cham dans le bateau? Qui? Parce que c'est parce que Cham a fait comme les autres. Il a cru, il a embarqué. Mais après ça, ben, il a c'est la condition pour embarquer. Okay, donc, mais il faut juste comprendre que ce que l'auteur est en train de nous dire, ça va devenir un principe de base. C'est vrai, ça va devenir un principe de base. Vous allez avoir la même chose avec Abraham tout à l'heure. Dieu va dire à Abraham, tous ceux qui te bénissent, je vais les bénir. Tous ceux qui te maudissent, je vais les maudire. Donc, il y a un représentant. Moïse va dire la même chose. Moïse va dire, il va en venir un autre comme moi. Hein? Si vous l'acceptez, vous allez être bénis. Si vous ne l'acceptez pas, vous allez être maudit. Mais c'est comme ça dans le Nouveau Testament aussi. Et là, on arrive à Jésus. Ça fait longtemps. Vous vous souvenez, quand, si on continuerait, on pourrait voir. Comme on dit, il faut lire entre les lignes. Non. Pas entre les lignes. On comprend très bien. Tu lis toute la Genèse, tu as un principe de base qui va s'établir. Tu vas dire, c'est ça que ça voulait dire. Quand on va arriver à Sodome et Gomorrhe, Dieu va vous dire à Lot, as-tu des fils, des filles et des gens ici dans la ville avec toi? Il dit oui. Il va les chercher, dis-leur que je vais détruire la ville. Il va leur dire, mais ils ne veulent pas croire. Vous voyez la différence avec les enfants de Noé? Ils ne veulent pas croire. Ils meurent dans Sodome et Gomorrhe. Sa femme va mourir là aussi. Donc, il y a juste les deux filles qui vont sortir finalement avec le père. Okay, donc, il y a un principe de base qui s'établit là. Comme, moi je dirais qu'Adam et Ève avec Abel, ils ont transmis à Abel des vérités. Abel nous a cru. Ils ont été bénis. Et on est avec Noé ici. Dieu bénit Noé. Et il va bénir Abraham, il va bénir David. Et là, on arrive à Jésus-Christ. J'ai envoyé mon représentant qui est Jésus-Christ. Si vous croyez en lui, vous respectez lui, vous honorez lui, je vais vous bénir avec lui. Mais si vous le maudissez, vous le rejetez, vous le crucifiez, je vous détruis, vous autres. Donc, c'est toujours la même vérité qui revient. Ton attitude envers le représentant de Dieu amène Dieu à réagir. C'est pour ça que Dieu dit, celui qui vous rejette, me rejette. Celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Il y a un principe de base. Si tu tues l'envoyé ou l'émissaire, tu t'attaques à celui qui l'a envoyé directement. C'est directement. Et les bénédictions de une fois Jésus arrivé, c'est, on sait, la vie éternelle. Pour nous autres, c'est bien différent. Mais avant, c'est comme Chantal disait il y a quelques minutes, c'est d'être les bénédictions de l'époque. De l'époque, oui. D'être, là, c'est plus, c'est un peu plus matériel. Finalement, ils vont posséder la terre promise. C'est ça, c'est plus matériel. Ils vont faire un petit bout. Mais si on avait le temps, on pourrait dire chapitre 10, c'est la suite, mais on arrive tout de suite à 11. C'est qui, probablement quelques siècles après, c'est la tour de Babel. OK? Puis on continue un peu plus loin, puis c'est Sodome et Gomorrhe. Puis on est toujours en train de recommencer. Il y a toujours des cycles. Puis à chaque cycle, il y a un représentant. À chaque cycle, il y a un représentant. Puis quand on croit au représentant, qu'on adhère à ce que le représentant dit, on est béni avec le représentant. Si on rejette le représentant, ben on est maudit. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais c'est important pour nous. Et on va transformer ça vers le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur, ça représente le sacrifice. Là, on a vu que Noé offre des sacrifices et que Dieu, il sent ça et il dit, ça sent bon. Et je vais bénir le monde à cause de ça. Et quand Dieu lui-même va offrir un sacrifice, qui est Jésus-Christ, et que Jésus-Christ va mourir, Dieu dit, ça sent bon. Et je vais bénir des milliers et des milliers et des centaines de milliers de personnes à cause de ce sacrifice-là. C'est toujours le même principe qui revient. Et remarquez bien ça, quand vous interprétez bien le principe de base, vous allez interpréter les autres ensuite, dans l'histoire. Quand on regarde, puis qu'on arrive avec Jésus, puis on dit, mais on voit Noé qui fait un sacrifice, et Dieu, là on n'a pas vu, on n'a pas eu le temps de voir le chapitre 9, où ce que Dieu dit, je vais faire une alliance maintenant avec toi, avec Noé et tes enfants, et je ne vais pas vous détruire maintenant. Je fais une alliance, c'est béni à cause de la réaction de Noé. C'est lui qui met l'arc-en-ciel, hein? Comment tu l'appelles l'alliance de Noé? On l'appelle l'alliance de Noé. Il n'y a pas un nom comme Noé. C'est parce que tu as Adamique, Mosaïque. Oui. Cherche-les, tu nous le diras la semaine prochaine. On a l'arc-en-ciel. Oui, ça, c'est la scène. Nous, l'arc-en-ciel, là, on la voit pour nous. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça le texte dit. Non. L'arc-en-ciel est pour Dieu, pas pour nous. Dieu dit, quand je vais voir l'arc-en-ciel, je vais me souvenir que j'ai une alliance et je ne vais pas vous détruire. Ouais, c'est ça. C'est pas ça. Le but, c'est de dire, ah, oh, Dieu ne nous détruira pas. Non, c'est pas dit, c'est moi qui la regarde, l'arc-en-ciel, parce que j'ai envie de vous tuer, la race humaine. J'ai envie de vous détruire, la race humaine, parce que vous êtes encore des pécheurs. Mais je me rappelle de l'alliance que j'ai faite avec Noé, donc je ne vous détruis pas. Et quand le repas du Seigneur, pour nous autres, c'est un peu la même vérité. On regarde à ce que Dieu a fait, on regarde au sacrifice qu'il a offert, et on se rappelle. Dieu regarde la croix, j'ai fait une alliance. J'ai pas fait une alliance avec François, j'ai fait une alliance avec Jésus. Donc pour lui, regarder son fils, c'est ce qui l'empêche, on pourrait dire, de détruire la terre. C'est ça, c'est tous ceux qui s'attachent à mon fils. Ben, je vais les bénir avec mon fils. Et tous ceux qui rejettent mon fils, je vais les rejeter aussi. Donc, pour nous autres, c'est la croix, c'est comme ce que Dieu regarde. J'ai fait une alliance à la croix. C'est Noachik. Noachik, merci. Noachik. OK, je vais essayer de m'en souvenir. La croix, elle devient... ce que Dieu regarde. À la croix, j'ai fait une alliance. Quand je regarde l'arche dans la nue, j'ai fait une alliance avec Noé. J'ai fait une alliance aussi avec Jésus, qui est le représentant à ce moment-là. Il regarde la croix. Ouais, la croix. La croix devient ce qui empêche Dieu de détruire encore pendant un certain temps tous ceux qui vont s'approcher de lui par la croix. Fait que nous, on regarde à la croix. Dieu regarde à la croix, mais nous, on regarde à la croix. Donc, la croix est le moyen par lequel on a été sauvés. C'est le moyen que Dieu dit, j'ai fait une alliance avec Jésus. Tous ceux qui regardent à la croix et qui croient à la croix, je les bénis. Pareil comme Noé, pareil comme avec notre Moïse, puis notre David, puis toute sa gang-là. Je suis toujours le même Dieu. Je suis un Dieu immuable. Je fais toujours la même chose. Je vais juste changer le comment, les couleurs, les formes, mais je suis toujours le même Dieu. Vous m'approchez comme je vous le dis. Et je vais vous le dire à travers un représentant. Je vais vous le dire à travers un représentant. Je vais vous envoyer quelqu'un. La dernière alliance, c'est Jésus qui annonce au monde la nouvelle alliance. C'est lui qui l'a annoncée. Les apôtres sont juste des écrivains de ce que Jésus a annoncé, dans le fond. Mm-hmm. Okay? Ce n'est pas la parole des apôtres, c'est la parole de Jésus. Mm-hmm. Parce qu'ils nous ont rapporté ce que Jésus avait dit. Donc Jésus dit, moi, le nouveau, le dernier représentant, je vais vous dire comment Dieu veut que vous l'approchiez maintenant. Si vous suivez ce que Dieu a dit, je vais vous bénir. Si vous ne suivez pas ce que Dieu a dit, je vais vous maudire. Donc, en prenant le pain, on regarde au comment Dieu a voulu faire les choses. Moi, je suis Dieu, je suis parfait, je suis saint. Je ne peux pas vous laisser passer. Il faut que quelqu'un meure à votre place. Vous êtes coupable. Cette culpabilité-là, on va la transférer sur quelqu'un d'autre, qui est Jésus-Christ. Et je vais le punir, lui. Le pardon, ce n'est pas gratos. Ce n'est pas gratos, le pardon. Il y a quelqu'un qui a payé cher pour qu'on puisse avoir le pardon. Donc Dieu dit, je vais punir le coupable. Ceux qui croient que j'ai puni le coupable en Jésus ou les coupables en Jésus, je vais leur faire grâce. Ceux qui ne croient pas ça, ben, je ne vais pas leur faire grâce. Je vais les condamner. Donc en prenant le pain, Jésus dit, je déchire le pain pour vous rappeler que mon corps va être déchiré et brisé pour que vous puissiez être justifié. Donc, on va passer la coupe, l'assiette de pain. À la fin du repas, Jésus a pris du pain. Il dit, ce pain que je viens de déchirer, c'est mon corps qui va être déchiré, je pourrais dire, ultimement par Dieu. C'est Dieu qui fait mourir Jésus-Christ sur la croix. Mm-hmm. Donc, mangez ça en mémoire de ce que j'ai fait. Ensuite, il a pris une coupe, puis il dit, distribuez-la. Alors qu'on la distribue, distribuez la coupe. Je ne sais pas si on avait juste une coupe, si vous seriez tous d'accord encore à boire avec la même coupe. On marque les endroits qu'on boit. La dernière fois que j'ai fait ça, il y avait une linge avec la coupe. Mmh. On essuyait le bord à chaque fois. Pour La COVID. Non, c'était le sida qui est arrivé dans ce temps-là. On a arrêté de faire ça. Donc, mais le Seigneur Jésus lui a dit, la coupe qu'il avait dans ses mains, qui représentait le sang de l'agneau de l'ancienne alliance, de la vieille alliance, il dit, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Maintenant, vous ne vous rappellerez plus la brebis qui est morte au temps de Moïse en Égypte. Vous allez vous la rappeler que mon sang à moi, il va être versé pour la rémission des péchés. Donc, buvons en mémoire de lui. Tu peux dire, Guédin? Oui. Notre bon Père du ciel, comme tu es grand, comme tu es saint. Et Seigneur, encore aujourd'hui, on est devant toi. On a appris à te connaître encore davantage. Et on regarde à ce que tu as fait, ce que ton Fils a fait. Et Seigneur, c'est en regardant, et tu nous connaissais tellement bien, c'est en regardant ce que ton Fils a fait, que ça peut avoir une répercussion dans nos vies. Et c'est ce qu'on te prie, Seigneur, que nous ne soyons pas indifférents à cela. Nous sommes des êtres humains, mais nous sommes aussi tes enfants. Amen. Amen. J'ai fait plus long que je pensais, mais c'est la faute à Michel. Avec sa question tout à l'heure. Bon, on ne va pas laisser personne.